Bien-aimés, je vous dis bonjour dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Donc, j'ai juste à cœur une petite exhortation que je vais faire tout de suite. Parce que aujourd'hui, lorsque nous regardons Internet, que ce soit les réseaux sociaux, lorsque nous regardons, on peut voir la pub. Je dis bien la pub que les faux serviteurs de Dieu font. La pub, que ce soit sur Facebook, YouTube, ils font la pub pour attirer les regards, pour leur opération de séduction. Parce que dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, Jésus dit, les faux prophètes feront des miracles et ils séduiront beaucoup de personnes. La séduction. Et cette séduction est à fond aujourd'hui dans les réseaux sociaux. La séduction. Chacun veut montrer comment il est grand homme de Dieu, comment il a une onction supérieure de toute onction, comment c'est un grand, comment il fait des miracles. La séduction est déjà lancée. Il suffit de regarder les réseaux sociaux. Vous allez voir la séduction. Chacun veut séduire. Il veut séduire. Donc, je vais lire un passage pour introduire ce que j'ai à dire. Je vais lire dans Philippiens au chapitre 3. Philippiens chapitre 3, je vais lire au verset 1. La Bible dit ceci, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Paul dit, je ne me lasse pas. Même si je vous écris les mêmes choses, c'est pour vous avertir. Parce qu'au verset 2 de Philippiens 3, il dit, prenez garde aux chiens, aux faux circoncis, aux mauvais ouvriers. Je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses. Et c'est pourquoi moi, je viendrai toujours, poussé par l'Esprit, pour avertir les vraies brebis du Seigneur. Parce que Jésus dit, ils séduiront beaucoup de personnes. Ces faux hommes de Dieu. Évangile de Matthieu au chapitre 24. Et aujourd'hui, ils utilisent les réseaux sociaux pour leur opération de séduction. Allez dans les réseaux sociaux, surtout dans YouTube. Chacun veut montrer combien de fois il est puissant. Que chacun veut montrer combien de fois il suffit qu'il fait la main comme ça, les démons font des courbettes. Comment il est tout puissant. Là, Jésus a dit, ils séduiront. C'est une opération de séduction. Bien-aimés, nous devons faire très attention. Jésus a dit, Jésus est la vérité. Personne d'autre ne l'est. Jésus seul est la vérité. Quand Jésus vient sur terre, il a trouvé des champs en train de travailler. Certains faisaient l'agriculture, d'autres allaient à l'école. D'autres étaient dans l'armée, parce que l'apôtre Paul parlait des militaires. D'autres faisaient des affaires. La société a toujours été comme ça. D'autres étaient des agriculteurs. D'autres allaient à la chasse, à la pêche. En fait, les hommes étaient occupés. Les hommes étaient occupés au chaud de la terre. Mais Jésus arrive parce que Dieu le Père ne voulait pas que les hommes se retrouvent en enfer. Il envoie le Messie pour conduire les gens dans la vérité, parce que Jésus est la vérité. Mais que dit Jésus? Cherchez en premier le royaume de Dieu. Cherchez le royaume en premier. Cherchez en premier le royaume. Parce que sans la sanctification, personne ne sera sauvé. Cherchez en premier le royaume. Et le reste vous sera donné après. Le reste, c'est après. Mettez, un vrai chrétien doit avoir comme vision première le royaume de Dieu. Pas les choses de la terre. Et quand Jésus va dire à Pierre, Pierre, paie mes brebis. La volonté de Dieu, c'est quoi? Et que les brebis qui étaient gérées par Pierre se retrouvent au royaume de Dieu. Parce que quand Jésus part, il dit quoi? Je m'en vais vous préparer une demeure. La volonté de Dieu est que les demeures qui sont déjà prêtes puissent être occupées par les appelés, par les élus. D'accord? Parce que la volonté de Dieu et que tout homme soit sauvé. Quand je vois ces faux hommes de Dieu tenir des discours genre, on va tuer tous les sorciers d'Afrique. On va tuer tous les sorciers, on va prier pour tuer les sorciers. Je vais détruire les sorciers. Mais c'est du mensonge. La volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé, y compris le sorcier. Jésus n'est pas venu pour tuer. Jésus n'est pas venu pour faire des opérations où on va tuer les sorciers. Vous d'autres, ils font des titres, genre, les secrets, leur thème, quoi, le secret de la réussite, et le succès. Voilà, les crocodiles à l'église. Vous avez des femmes qui témoignent, on m'a déshabillé le pasteur, les sorciers de ton village. Bien-aimé, je vais vous révéler quelque chose. Le diable ne changera jamais. Dieu ne changera jamais. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Satan n'a rien d'autre à t'offrir, si ce n'est que les choses de la terre et l'enfer. C'est tout ce qu'il a. Tu n'attends rien d'autre de lui. Soit il te propose les choses de la terre, après tu le suis en enfer. Il ne te donnera rien d'autre, parce qu'il n'a rien d'autre en dehors de ces deux choses-là. Quand le diable vient trouver Jésus dans le désert, Jésus fait le jeûne, vous connaissez l'histoire. Il dit à Jésus, regarde les biens de la terre. Ici là, sur terre ici, moi, c'est moi qui donne ces choses aux personnes qui font des courbettes devant moi. J'ai le pouvoir de te donner les richesses. Donc si tu veux ça, ne perds pas ton temps des jeûnes et des prières. Ne perds pas ton temps avec ça. Il suffit que tu te mettes à genoux là devant moi. Je te donne les richesses. C'est tout de suite. Je fais ça tout de suite. Pourquoi te torturer de jeûne et de prière? Je peux rendre riche qui je veux. Donc, c'était ça. Et c'est ce que Jésus était en train de prier. Jésus était en train de prier. Et le diable vient le perturber. Comme vous l'avez entendu. Satan ne t'offrira rien d'autre. Satan n'aura qu'à te proposer les choses de la terre. Les choses de la terre. C'est la raison pour laquelle les personnes qui sont poussées par le diable vont toujours et toujours. C'est très important ce que je vous dis là. C'est pourquoi vous êtes, ne soyez plus étonnés si vous voyez les faux hommes de Dieu accrochés qu'aux choses de la terre. Parce qu'ils n'ont rien d'autre à t'offrir. Celui qui est derrière eux, celui qui les envoie, Lucifer, ne propose qu'aux choses de la terre. Lucifer ne te parlera jamais du salut. Lucifer ne te parlera jamais de la vie éternelle. Mais Lucifer va te parler du succès, de la prospérité, de l'argent. Il faut que tu... Regarde, ta copine a déjà deux maisons. Toi, tu es encore là. Ça, c'est le diable. Vous avez fait l'école ensemble. Hein? Regarde au niveau où il est maintenant. Toi, tu es encore là en bas. Hein? C'est-à-dire, le diable va te montrer que la concurrence, la compétition... Regarde ce que les autres ont déjà fait. Vous étiez à l'école ensemble. Vous avez fait l'université ensemble. Regarde là où il est maintenant. Toi, tu es encore là. Et le diable va envoyer des gens pour te proposer ses voies. C'est très important. Les faux hommes de Dieu ne te parleront jamais du salut. Ils parlent que des choses de la terre. Quand vous les voyez dans les églises, ils prennent le micro, des campagnes d'évangélisation. Big miracle. Opération miracle. Opération guérison, délivrance. On va tuer les sorciers. On va abattre les sorciers. Ça, c'est leur titre. Ils ne parlent qu'aux choses de la terre. Mais la Bible déclare, sans la sanctification, personne ne sera sauvé. Mon frère, ma soeur, tu peux avoir toutes les guérisons. Tu peux avoir toutes les délivrances. Tu peux être prospère jusqu'à avoir des milliards. Et aller en enfer. C'est pourquoi Jésus n'est pas venu. Pour les biens matériels. Il est venu pour que nous puissions aller au royaume de Dieu. Parce que l'enfer a été préparé pour le diable et ses démons. Et Dieu ne veut pas qu'on se retrouve là-bas. Et la volonté du diable, comme je l'ai dit la dernière fois, il y a eu une guerre au ciel, Apocalypse au chapitre 12. Satan et ses démons ont perdu la guerre. Et comme ils ont perdu la guerre, on les a précipités sur la terre. Donc, nous les êtres humains, nous habitons la terre avec ces éléments vaincus, c'est-à-dire le diable et sa corne des démons. Ils sont au milieu de nous. Ce sont des esprits. Et ces esprits se sont arrangés pour pousser l'homme dans le péché, pour que l'homme soit disqualifié, pour que l'homme n'aille pas au ciel. Parce qu'ils se sont dit, bon, on a perdu la guerre. L'enfer nous attend. Nous, on n'ira pas seul. Il faut qu'on amène le maximum de personnes en enfer. Et ça, la vision du diable. C'est pourquoi les esprits d'incrédulité sont à fond pour rendre les personnes incrédules. Les esprits d'aveugles, les esprits de religion. Satan crée des religions. Personne ne sera sauvé par une religion. Nicodème était à fond dans la religion, mais Nicodème n'était pas sauvé. Vous avez des gens qui sont dans la religion, mais qui ne sont pas sauvés. Donc, je vais lire le passage que vous connaissez, bien aimé. Je vais lire dans, je crois, c'est l'évangile de Luc. Évangile de Luc au chapitre 17. Je vais lire du verset 11 au verset 19. Vous connaissez toute cette histoire. L'apôtre Paul disait tout à l'heure dans Philippiens, je ne me lasse de vous écrire les mêmes choses. Pour vous, c'est salutaire. C'est très important. Qu'est-ce que Luc dit? Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait, au verset 19, vous connaissez l'histoire, 10 lépreux se sont approchés de lui. 10 lépreux, des gens qui souffraient de la lèpre et qui ont entendu que Jésus guérit les malades. Ils se sont dit, nous aussi, on va aller pour obtenir notre guérison. Alors ils sont venus. Jésus, dans son amour, les a guéris. Les 10. Mais dans les 10, une seule personne a suivi Jésus. Jésus dit à la foule, regardez, tout à l'heure ils étaient 10, non? Mais où sont passés les 9 autres? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui remplissent les églises dimanche. Ils viennent vers Jésus. Pas pour le salut. Parce que la seule personne sur les 10 qui a suivi Jésus, c'est celui qui cherchait plus qu'une guérison, c'est-à-dire la vie éternelle. Et Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. On voit bien ici, 10 personnes guéries, une personne sauvée. Ça, c'est très important. 10 ont été guéris, mais c'est une personne qui a été sauvée. Ça, c'est pourquoi Jésus ne vient pas pour la guérison, la délivrance, la prospérité. Jésus vient d'abord pour le salut. 10 ont bien été guéris, et pourtant c'est une personne qui est sauvée. D'accord? C'est la raison pour laquelle Dieu ne peut pas mettre en premier les guérisons, les délivrances, les miracles. Parce qu'on peut avoir tout ça et aller en enfer. Les 9 personnes là, qui ont reçu que la guérison et qui n'ont pas subi Jésus, ils ne peuvent pas être sauvés. Parce que c'est une seule personne qui a été sauvée. Et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Mais les 9 autres. C'est-à-dire que vous voyez les gens aller à l'église. Tout le monde ne va pas à l'église pour le salut. Il y a des gens qui sont là parce que il a tout essayé dans le monde. Il dit, bon, je m'en vais un peu en Christ. Je vais voir aussi ce que ça donne. D'autres sont là pour avoir, elle est fatiguée, elle a vu le gynécologue, l'enfant ne vient pas. Elle dit, je m'en vais à l'église pour avoir un enfant. D'autres viennent à l'église pour avoir un mari, une femme, un travail, une bénédiction. Une bénédiction. Dans les 10 lépreux, il y avait 9 qui venaient juste pour une guérison. Dans nos églises aujourd'hui, tout le monde n'est pas là pour le salut. Il y a des gens qui sont là pour un miracle. Et vous allez voir certaines personnes, une fois qu'il obtient le miracle, il disparaît, vous ne le verrez plus. Parce qu'il a obtenu ce qu'il est venu chercher. Et tant qu'il n'a pas encore eu ce qu'il est venu chercher, il est fidèle. Il vient aux réunions, il vient aux réunions. Et quand il verra, oh, ça fait des années, mais ça ne vient pas. Parfois, il disparaît. C'est la raison pour laquelle Dieu n'envoie pas ses enfants ou des hommes de Dieu pour chercher les choses de la terre. Quand vous voyez des gens prêcher sur les clés du succès, les clés du succès, ça c'est pas de Dieu. Et vous allez remarquer que les faux hommes de Dieu, ils ne prêchent jamais sur le péché. Ils ne prêchent jamais sur le péché. Ils ne parlent que de miracles. Guérison, délivrance. Et ils font la pub sur YouTube. Ils mettent leurs vidéos pour montrer qu'ils sont grands, qu'ils sont puissants. Pour montrer qu'ils ont des onctions. Pour montrer qu'ils sont tout puissants. Pour montrer qu'ils guérissent toutes les maladies. Ils font de la pub. C'est pour attirer les foules. C'est pour que tout le monde voit les vidéos et que le monde vienne. Parce que plus il y aura du monde, plus il y aura beaucoup de dîmes. Plus il y aura beaucoup d'offrandes. Parce que ces gens-là, ils ont l'œil sur vos poches. C'est vous qui allez les enrichir. C'est vous. Ils comptent sur vous. Et c'est pourquoi ils font ça. Mais je veux te dire quelque chose. Satan ne fait rien gratuitement. Pourquoi Satan utilise guérir les gens par l'intermédiaire du faux homme de Dieu? Satan a sa part. Et le faux serviteur de Dieu aussi a sa part. Quelle est la part du faux serviteur de Dieu? Il aura le succès. Les gens vont le respecter. quand il arrive, les gens se mettent au garde à vous. D'accord? Il a l'argent. Parce que plus il y aura du monde à le suivre, plus il y aura beaucoup d'offrandes. Donc, il a beaucoup d'argent. Il peut construire sa maison, sa femme s'habille bien, ses enfants et tout le reste. D'accord? En même temps, les femmes, parce qu'ils sont beaucoup sexuels, il peut coucher les nanas de gauche à droite. Puisqu'il a de l'influence, les femmes tremblent devant lui. C'est le grand homme de Dieu. Et comme ils ont la pensée de grand, c'est pourquoi vous allez remarquer, ils ne sont pas de simples pasteurs, révérends pasteurs, révérends bishops, archibishops. Ils prennent des gros titres, révérends, général. Ils prennent que les gros titres, c'est des titres de séduction. Séduction. Jésus dit dans Matthieu 24, ils séduiront beaucoup de personnes. C'est des séducteurs. C'est des séducteurs. La première séduction, c'est l'apparence physique. C'est des gens qui s'arrangent à être élégants. C'est la première séduction. Ensuite, le reste vient. La deuxième séduction, les miracles. C'est pourquoi ils courent derrière les marabouts pour faire des miracles. Quand vous voyez en Côte d'Ivoire, on va jusqu'à égorger un champ. C'est pour avoir de la puissance. Parce que quand tu veux être tout puissant, Satan te demande aussi quelque chose de grand. Le diable, c'est comme ça. Entre celui qui offre un sacrifice humain et que toi, tu peux lui offrir 15 personnes, la personne qui a offert 15 personnes aura beaucoup plus de puissance. Mais c'est quoi la puissance du diable? Parce qu'il faut aussi le dire. C'est-à-dire que la puissance d'un sorcier dépend du nombre de personnes qui sont sous son contrôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus je sacrifie, plus ces âmes-là sont à mon service. D'accord? Et ce sont ces âmes-là, lorsque tu viens m'attaquer, qui te livre le combat, c'est la première barrière. C'est les personnes qui sont sous mon contrôle. C'est la raison pour laquelle plus ces gens-là sacrifient, plus ils ont la puissance. Parce que cette puissance vient du nombre d'esprits qui sont sous son contrôle. C'est lui le chef. Parce que quand Satan te dit, bon, donne-moi 4-5 personnes, que ce soit dans les loges, c'est la même chose. Que ce soit dans les loges. Bon, il y a élection de députés, il y a élection de ministres. Bon, tu veux qu'on te nomme ministre, tu veux gagner l'élection de députés. Le diable dit au marabout, dis-lui qu'il me donne 4 personnes. Et moi, je ferai le reste. Et la personne va faire des sacrifices, des rituels. Avec Satan, c'est donnant-donnant. C'est comme ça que ça se passe. Et la personne, donc, là, c'est dans le cadre public, mais en ce qui concerne les faux hommes de Dieu, c'est pareil. Satan sait que si tu es faux homme de Dieu, le diable te donne la puissance de faire des miracles. D'accord? Et les gens vont te suivre. Et comme ces gens-là sont accros aux miracles, ce n'est pas les âmes, ce n'est pas le salut qui les intéresse. Souvenez-vous des 10 lépreux. 9, c'était le miracle de la guérison qui les attirait vers Jésus. Ce n'était pas le salut. C'était la guérison. Donc, comme ils sont nombreux, ces gens-là, quand demain, puisqu'ils sont partis, ils n'ont pas suivi Jésus. Quand ils sont partis, si demain ils ont encore un petit pépin, mais ils vont chercher Jésus. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des gens comme ça. Tu avais mal à la tête, tu viens voir un faux homme de Dieu, il te touche avec sa bague magnétisée ou avec le mouchoir ou avec le crucifix. Le mal disparaît. En fait, c'est Satan qui met la maladie. Satan peut aussi l'enlever puisque la maladie vient de lui. Donc si Satan te dépose une maladie dans la tête, il peut aussi la prendre. Mais le problème c'est quoi? Quand il va enlever ce qu'il a déposé sur ta tête, toi aussi tu vas témoigner, oh, l'homme de Dieu est fort, je n'ai plus de mal de tête. D'accord? Après, le diable va mettre la maladie ailleurs ou bien il va te créer un autre problème. Et comme tu as vu le premier résultat, tu vas suivre cet homme de Dieu parce que pour toi, cet homme de Dieu est puissant. Parce que tu te souviens de ce qu'il avait fait au niveau de ta tête. Et c'est comme ça que tu deviendras disciple de cet homme de Dieu puisque tu vois des résultats. Tu deviens son disciple. Et quand tu deviens donc son disciple, tu ne suis même plus ce que la Bible dit. C'est-à-dire, c'est la parole de cet homme qui devient la parole que tu considères. Tu ne considères que sa parole. Tu ne lis plus la Bible. Maintenant, il peut même te dire, bois l'eau. Hein? Bois l'eau de Javel. Bois ceci. Comme je veux un homme de Dieu. Bon, homme de Dieu, je ne sais pas s'il faut l'appeler ainsi. Sud-Africain. Qui, pour guérir les gens dans son assemblée, il leur donne l'eau de Javel. À l'heure où je vous parle, on parle de 6 morts, 4 personnes sont encore à l'hôpital. Voilà, mais... Et il dit, quand la police l'a arrêté, il dit au policier, Dieu lui a dit de donner l'eau de Javel aux gens. Est-ce que cet homme raconte le mensonge? La vérité, c'est que cet homme pratique effectivement et l'Esprit lui a parlé. L'Esprit lui a dit, donne-le de Javel. Il n'invente pas. Donc c'est ce qui se passe lorsqu'on tisse des liens avec les puissances occultes pour opérer des miracles. C'est des miracles de séduction. Plus je vais toucher les gens sont guéris, plus les gens vont me suivre. Et plus les gens vont me suivre, plus j'aurai l'argent. Plus on va me voir, je suis bien habillé. La personne ne travaille pas, mais il s'habille classe. La personne n'a pas d'entreprise, il ne va pas au boulot. Mais il faut voir la voiture qu'il a. Il faut voir la maison qu'il habite. Et pourtant, il ne travaille pas. C'est grâce à votre argent. Satan lui donne le pouvoir d'opérer les miracles. Grâce au miracle, Jésus dit, il va séduire les gens. Et comme il vous séduit, vous courez derrière lui. Et comme vous courez derrière lui, vous allez remplir ses poches. Et en échange, Satan, lui, il gagne les âmes. Pourquoi? Parce que son opération consiste à vous éloigner de Jésus. Parce que vous ne pensez qu'au miracle. Vous ne pensez plus au salut. Parce que ces hommes-là ne prêchent pas la sanctification. Ces hommes-là ne prêchent pas le salut. Donc vous allez les suivre parce qu'ils font des miracles. C'est ça le problème. Comme ils font des miracles, vous allez les suivre. Et c'est comme ça que vous les suivez bêtement. C'est ce qui se passe. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a des conneries, il y a de la saleté dans l'église. Donc, bien aimé, l'heure est arrivée, l'heure où nous devons faire attention. Je ne cesse de vous répéter les mêmes choses. Et l'Esprit de Dieu me poussera toujours à vous avertir. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Satan a déjà lâché les faux. Et tous les jours, les hommes sont en train de devenir, les églises poussent partout, les gens deviennent hommes de Dieu. Homme de Dieu, aujourd'hui, on n'a plus besoin de l'appel de Dieu. On a juste besoin d'aller voir le grand marabout qui va me travailler un mouchoir, qui va me travailler l'huile d'onction, qui va me travailler la grosse barbe. C'est tout. Et puis, je me lance. Et comme il y a le chômage, donc c'est tout le monde aujourd'hui devient homme de Dieu. Mais Jésus a dit, ils seront nombreux. Mais vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Par leurs fruits. Ma sœur, surtout quand même vous aussi, comment tu peux coucher avec un soi-disant homme de Dieu? La Bible dit, les débauchés n'hériteront pas le royaume de Dieu. La Bible dit, l'adultère, les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais l'homme de Dieu qui veut coucher avec toi là, n'est-ce pas de la débauche? Pourquoi tu acceptes ça? Quelle bénédiction tu vas recevoir de Dieu? En allant dans le péché. Depuis quand Dieu bénit les pécheurs? Depuis quand? Tu vas dans le péché et Dieu bénit. La bénédiction, c'est approuver. Ça veut dire que Dieu approuve puisqu'il te donne une bénédiction parce que tu couches avec le pasteur. D'accord? C'est pourquoi il faut faire très attention. Un pasteur ghanéen qui va jusqu'à mentir aux femmes que si vous sucez mon sexe et que vous avalez le jus, vous serez sanctifié. Parce que mon lait est sanctifié. Et les femmes acceptent ça. Vous aussi. Vous avez des jeunes filles. Tu vas perdre ta virginité par le mensonge. Depuis quand? Comment vous pouvez vous mettre dans la tête qu'en allant dans le péché, dans la fornication, Dieu va bénir? En allant dans l'adultère, Dieu va bénir. Comment on peut vous embouter à ce point-là? Depuis quand Dieu va bénir le péché? Réveillez-vous. C'est la raison pour laquelle vous devez faire attention. Les faux hommes de Dieu sont au milieu de nous. Mais je rends grâce à Dieu parce que la Bible déclare, ne crains rien petit troupeau. Les vrais élus de Dieu seront sauvés. Jésus les connaît. Mais la foule ira à la perdition. C'est la raison pour laquelle si l'homme de Dieu dit de faire quelque chose, mon frère, ma soeur, aie l'habitude de vérifier dans ta Bible si ce qu'on te demande de faire est dans la Bible. Ne fais pas parce que papa a dit. Ne fais pas parce que papa a dit. Parce que les hommes de Dieu, maintenant, on les appelle papa. Papa a dit. Tu fais parce que papa a dit. Non! Aie le courage de dire, c'est où dans la Bible? Je me souviens quand je venais de me convertir. J'étais dans une église. Et le pasteur avait dit, tout le monde amène le sel de cuisine. Dimanche, on va sanctifier le temple. Le sel. Je suis désolé. Moi, je suis de la nouvelle alliance qui a été scellée par le sang de Jésus. Je suis de la nouvelle alliance. D'accord? Mais dans la nouvelle alliance, je n'ai pas vu cette pratique. Et les gens amenaient le sel de cuisine. Tout le monde me regardait. Où est ton sel? Je dis, non. Ouvre-moi la Bible. Moi, Jésus s'est sacrifié à la croix pour mon salut. Je n'ai pas de sel. Oh, voilà, la Bible me dit c'est le sang de Jésus qui sanctifie. La Bible ne me dit pas c'est le sel de cuisine qui sanctifie une église. Moi, je ne rentre pas dans ces pratiques-là. Et tout le monde croyait, oh, attends, le pasteur a dit, hein. Je dis, le pasteur n'est pas le chemin. C'est Jésus qui est le chemin. Le pasteur n'est pas le chemin. C'est Jésus. Il y a des pasteurs qui vont en enfer parce qu'ils vivent dans le péché. Il y a plein de pasteurs qui vont en enfer parce qu'ils vivent dans le péché jusqu'au jour de leur mort. Ils sont dans le péché et ils vont en enfer. C'est Jésus qui est le chemin, c'est pas le pasteur. C'est pourquoi il faut toujours, quand le pasteur prêche, c'est pourquoi quand Paul est arrivé à Bérée, les chrétiens de Bérée se sont dit, on a entendu parler de Paul, on sait que c'est un grand homme de Dieu. Mais quand même, tout ce qu'il va dire, nous on vérifie dans la Bible. Est-ce que ce qu'il dit, la Bible le dit? Les chrétiens de Bérée, c'est ce qui manque aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, si tu es la brebis de Jésus, peu importe l'église, peu importe l'endroit où tu te trouves, vérifie dans la Bible. Je voudrais également te dire qu'un homme de Dieu qui est inspiré de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit et Jésus, c'est la même personne. Je veux dire, ils ont le même message. Le Saint-Esprit n'est pas descendu sur terre pour changer le message de Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas venu modifier quoi que ce soit. Jésus dit aux hommes, cherchez en premier le royaume de Dieu. Un homme de Dieu qui est rempli de l'Esprit de Dieu va pousser les fidèles de son église à chercher en premier le royaume de Dieu. Or, le royaume de Dieu, nous l'avons par la sanctification. Car sans la sanctification, le royaume de Dieu est impossible. Donc, méfiez-vous des hommes de Dieu qui ne parlent pas du péché, qui ne parlent que de miracles, qui ne parlent que de succès, qui ne parlent que de guérison. Parce qu'on peut être guéri et aller en enfer. Les 10 lépreux, c'est une personne qui a été sauvée. Les 9 autres ont bien reçu une guérison. Donc la guérison ne t'amènera pas au ciel. La délivrance. Attention aux gens qui te proposent que les guérisons. Attention aux gens qui te proposent que les miracles. Les gens qui te proposent que les voies du succès. Attention aux gens qui te proposent que les choses de la terre. Mais qui ne te parlent pas de ton salut. Les guérisons, les délivrances, la prophétie, le succès, tout ce que tu veux ne te sauve pas. Tu peux avoir ces choses et aller en enfer. Jésus a dit, à quoi ça sert à l'homme de gagner le monde entier, tous ces biens-là, s'il perd son âme. Jésus sait que le plus important, c'est le salut de ton âme. C'est pourquoi Jésus met le salut de l'âme en premier. Méfiez les faux hommes de Dieu. Jésus a dit, ils vont faire les miracles, mais ils ne parlent pas de sanctification. Ils font les miracles, ils ne prêchent pas sur le péché. Ils ne parlent que de miracles parce que Satan leur a donné le pouvoir grâce aux actions, aux trucs qu'ils ont eu des marabouts pour opérer des miracles. Les miracles sont vrais. Jésus a dit qu'ils feront des miracles. Jésus ne dit pas que c'est des faux miracles. D'accord? Mais ces miracles ne viennent pas de Dieu. Et Jésus dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Jésus n'a jamais dit, vous les reconnaîtrez par les visions. Jésus n'a pas dit, vous les reconnaîtrez qu'ils sont faux si leurs prophéties sont fausses. Non, ils vont dire les choses vraies. Les gens disaient à Jésus, tu es le fils du charpentier. Et tu dis que tu es le fils de Dieu. Alors que les démons, ils disaient, oh, fils de Dieu, es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Parce que les démons, lui, savaient qu'il est le fils de Dieu. C'est pour vous dire que Satan voit la femme dans Actes des Apôtres, chapitre 16, qui avait le démon de Python et qui criait que ces gens vous annoncent la voie du salut. Ce sont des serviteurs de Dieu. Ce n'était pas un mensonge. Paul était bien serviteur de Dieu et Paul annonçait bien la voie du salut. Donc ce n'est pas parce que le prophète, ce qu'il prophétise, est juste que c'est un homme de Dieu. Si vous voulez savoir si c'est un homme de Dieu, faites attention à sa prédication. Quand je vois sur YouTube, beaucoup font la pub des séductions, ils pour attirer les gens. Ils font la pub sur les manifestations des démons, sur les guérisons. Tel était infirme, il a fait ça, machin. Mais il ne prêche jamais. Tu peux regarder 10 vidéos. 20 vidéos de ces personnes, vous ne les verrez jamais attaquer le péché. Vous ne les verrez jamais attaquer le péché. Ils ne parlent pas de sanctification. Parce qu'eux-mêmes vivent dans le fétiche. Ils vivent avec les marabouts. Ils ont la puissance. Regardez les doigts. Quand je vois certains sur des vidéos, vous regardez les doigts là. Les grosses bagues que vous voyez là, c'est des bagues travaillées par des marabouts. C'est des bagues travaillées. C'est des bagues. Les bagues là, ce n'est pas des bijoux. C'est des bagues qui ont été travaillées. D'autres utilisent des mouchoirs. Vous voyez là, il prie pour les gens, il tient le mouchoir ici. Il fait ça. D'autres ont des huiles qui ont été maraboutées, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est des huiles magnétisées qui ont été travaillées chez les marabouts. Je sais de quoi je parle. Donc, ce n'est pas parce que les gens tombent. Ce n'est pas ça qui fait de lui un homme de Dieu. Un homme de Dieu fait comme Jésus. Il prêche aux gens, en premier, le salut, le royaume de Dieu. Les guérisons, c'est après. Le royaume de Dieu d'abord. La prospérité, c'est après. Le royaume de Dieu d'abord. Parce que Jésus, lui, veut d'abord s'assurer de votre relation avec Dieu. Parce que si la mort te frappe demain, au moins, Jésus a gagné une âme. Donc, Jésus ne vient pas pour parler que des guérisons, des délivrances. Parce que tu peux avoir tout ça. Si la mort te frappe, accident de voiture, ou bien quelqu'un, une balle perdue et autre maladie. Mais tu n'as pas le salut. Les 10 lépreux sur 10, ils ont tous eu la guérison, mais c'est une personne qui a été sauvée. Jésus lui dit, tu es sauvé, ta faute t'a sauvé. Mais les 9 autres, ils ont bien eu la guérison. Est-ce qu'ils ont été sauvés? Non. Donc ne cherchez pas les délivrants, les guérisons. C'est pourquoi méfiez-vous les autres, les faux hommes de Dieu, c'est là. Donc vous n'avez plus à vous demander, mais comment on va les reconnaître? Ils ne prêchent jamais le péché. Vous pouvez assister à 1000 cultes le dimanche, quand ils ont le micro, jamais ils attaquent le péché. Mais ils ne peuvent pas. Parce que dans l'assemblée, ils ont des copines. Ils ont des copines dehors. Vous croyez que quelqu'un qui a des femmes de gauche à droite va venir attaquer le péché? Non! C'est pourquoi ils ne touchent pas le péché. Parce qu'eux-mêmes vivent dans le péché. Ne vous fiez pas aux gros costumes. Ne vous fiez pas aux gros costumes que vous voyez, des costumes. Ne vous fiez pas à ça. Ça, c'est l'apparence. Jésus a dit, ils vont séduire beaucoup de personnes. Ils sont dans une opération de séduction. C'est des séducteurs. Déjà, sa façon de s'habiller pour séduire. Ils s'habillent classe. Jésus dit, ils vont séduire. Donc, la façon de s'habiller, séduction, délivrance, parce qu'ils aiment le spectacle. Il faut que lorsqu'ils... Fire, c'est du mensonge, c'est le diable qui agit, c'est pas Dieu. Fire, c'est pas Dieu. Un miracle de Dieu se fait au nom de Jésus, pas fire. C'est au nom de Jésus, en mon nom. Vous imposerez les mains aux malades. En mon nom, vous chasserez les démons. Aucun autre nom ne doit remplacer le nom de Jésus. Un miracle de Jésus se fait au nom de Jésus. Pas fire. Fire. C'est du histoire. C'est du mensonge. J'ai encore vu un là, il revient de Côte d'Ivoire. Il fait au micro. Fire. L'onction de Dieu descend sur toi. Fire. Ils ont des pratiques. Effectivement, il y avait des manifestations. Il y avait des gens qui tombaient par terre. Et puis les gens tombent. Les gens tombent, c'est quoi ça? Regardez comment ils font les miracles. Est-ce qu'ils les font au nom de Jésus? C'est pas Jésus ça. Le miracle de Dieu se fait au nom de Jésus. Donc, bien aimé, vous avez tout entendu. Qui va encore dire, il ne savait pas? Et quand c'est Dieu qui nous pousse à mettre à nu ces faux hommes de Dieu, parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui. Ils ont la puissance. Oui, ils ont la puissance, parce qu'ils ont la puissance, mais cette puissance ne vient pas de Dieu. Quand un homme de Dieu est rempli du Saint-Esprit, il prêche la sanctification. C'est pourquoi je vous ai dit, le Saint-Esprit n'est pas venu sur terre pour modifier le message de Jésus. Jésus a dit, cherchez en premier le royaume de Dieu. Quand le Saint-Esprit pousse un homme de Dieu, il va aussi le pousser à ce que les gens cherchent en premier le royaume de Dieu. Et non les miracles. Et non les miracles. Donc tous ces hommes de Dieu qui ne parlent que de miracles, c'est pas le, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ont la puissance des démons en eux pour opérer des miracles. Parce que le Saint-Esprit n'est pas venu changer le message de Jésus. Le Saint-Esprit est venu sur la voie de Jésus, il est venu confirmer. Donc quand le Saint-Esprit anime un homme de Dieu, il va le pousser dans le même message de Jésus, c'est-à-dire la sanctification. Sortez de vos péchés, sortez de vos péchés. Souvenez-vous de Jean-Baptiste dans le Jourdain, quand les gens venaient vers lui, sortez de vos péchés. Et Jésus lui-même a toujours dit, si vous ne sortez pas de vos péchés, vous périrez. Vous périrez. Mais le diable lui vient vous parler de miracles. Le diable vient vous parler de succès. Parce que le diable sait que même si vous avez les miracles, même si vous avez le succès, si vous mourrez dans vos péchés, vous êtes perdu. Satan le sait. Voilà. Donc c'est ce que j'avais à vous dire. Que Dieu vous bénisse.